je verrai Jonathan s'expirer sous mes coups. Non, plutôt mille fois, mille fois, je périrai moi-même parmi de mortels horreurs. J'irai chercher et sauver ce que j'aimais. Non, plutôt, mille fois, je périrai moi-même. Servir qu'à quatre mots.